shit. Lakim. Ma couillasse, je vous traite rien comme Edith Piaf. Je deviens tellement lourd qu'on me dit qu'il clash. T-Max, Green Eyes. C'est pas un vieux vagin qu'on apprend à faire la grimace. Ma couillasse, je vous traite rien comme Edith Piaf. Je deviens tellement lourd qu'on me dit qu'il clash. T-Max, Green Eyes. Grognasse, grosse liasse. Je suis connu pour mon style de cogneur. Comme Paris, j'ai un pif de boxeur. On a les mains pleines d'huile de moteur. Arrache d'ici tes vis de bonne sœur. Je vais te mettre un coup de braguette magique. Un reel plotter. L'instru mérite que je la découpe en petits morceaux comme une bite de violeur. Je ramasse tout ce qui traîne sur les tables, sur les chaises. Ouais, c'est génétique, j'ai des tics de voleur. 2000 euros le 16. Nique ton smith de chômeur. On boit l'ouïro d'horreur dans des gobelets en plastique. Et le whisky dans des coupes de cristal. J'aime les histoires de billets, de casse-pipe, plus t'es russe et t'es russe, mais je viens d'une paire de couilles de Rital. Je découpe le freestyle avec sourire. Comme ICI Sagawa. Or 24 carats, soy 6, Pattaya. Je suis en Thaïlande, les gars, surveillés comme Ray par ma van cara. Ma couillasse, je vous traite rien comme Edith Piaf. Je deviens tellement lourd qu'on me dédie clash. T-Max, Green Eyes. C'est pas un vieux vagin qu'on apprend à faire la grimace. Ma couillasse, je regrette rien comme Edith Piaf. Je deviens tellement lourd qu'on me dédie clash. T-Max, Green Eyes. Grognasse, grosse liasse. J'aime pas les buts, y'a que les vrais qui s'invitent au voyage. Y'a du Jack, Jason, de qualité royale. Dans l'enfer des bracos, des morts et des grossistes. Des drogués, des nymphos, des macros, des pressifs. Moi l'agro, je vais te baiser. Ma patience se limite, je vais faire sucer ta sœur. Je me crois dans Pochetto de limite. Y'en a très peu qui m'aident, mais y'en a beaucoup qui m'aident pas. 2000 euros le 16, envoie-les-moi, tu le verras même pas. Que de la haute couture, c'est la coutume, demande à 7. Le chef des postes nous suce la bite. Abaisse-toi, fais mes lacets. J'vends de la cesse, j'fume de la zèbre. Je prends l'instru, j'encule la sec. Ouais, je mange dans tous les plats. La crème n'a aucune assiette, donc ouais, j'ai pas de repère. Puis c'est vrai qu'on s'y retrouve mal. J'suis un SDF qui passe tous les verres en pullman. Et c'est pour pêcheur, c'est terre, type bâche. Si tu pars en Guadeloupe, bah t'as litron à 10 balles. Liasse de verre, champagne, gros calibre, GP, dentelle, mortel, l'hôtel, bébé, cocaïne, Paris 16, gueule cramée, grand appart, 100 grammes, ça débite, t'es très content quand ça part. J'tire sur un droit faillir, le stress évacue dans le jargon, dit que t'es cuit si ton avocat n'est pas cru. De 0 12, faut pas jouer, y'a que des chauds au sang froid, regard glacial, drive by un sang croix. Ma couillasse, je regrette rien comme Edith Piaf. Je deviens tellement lourd qu'on me dédie clash. T-Max, Green Eyes. C'est pas un vieux vagin qu'on apprend à faire la